musique. Tu parles de vif et de rente, de tarifs d'or et de temps de détente. Ton discours serait différent si ta mif dormait dans détente. Même si ta tête c'est street, que ta vie sans l'homicide fils. Dis-toi le, tu seras jamais plus street qu'un sans domicile fixe. Avant que cette vie me rende ses nuls, coup je fracasse le sang, mais je pense à vous. Pendant ces nuits où le froid glace le soir, c'est vrai, je me plains d'accord. Je vois que ma vie est que mon hip-hop ternie. Quand d'autres font le plein d'alcool pour pas mourir d'hypothermie. Ne t'inquiète pas, je sais bien que mes soucis sont loin d'être les pires. Je te l'ai dit, je veux voir la vie en rose, mais elle est pleine d'épines. Et je vois le sable s'écouler, une pensée à se écrouer. Comment j'ai avé un homme voué de couper s'écrouler. Comment? Et si tu pars, qu'est-ce qu'ils vont raconter tes mots minus? Tu sens mobile, je voulais faire le bilan, j'ai dû compter les morts. J'ai pas dompté mes morts, il veut t'allumer, éteins-le. Faut que le strass est paillette, je sais bien que tout ça n'est qu'un leurre. Oui, on sort des saumons, alors on pleura des vies. Mais ne crois pas que la mort oubliera des vies dehors depuis le berceau. Les frères sautent, c'est pour mes rats des villes. Même si on crève la dalle, on sait que personne fournira des vivres. On sort des saumons, alors on pleura des vies. Mais ne crois pas que la mort oubliera des vies dehors depuis le berceau. Les frères sautent, c'est pour mes rats des villes. Même si on crève la dalle, on sait que personne fournira des vivres. Eh ouais, ça, laissons les saumons, on n'est pas dans la vente de sucre. Les rêves ou les faux rappeurs sont morts, ou l'un des reprend le dessus. Un jour tout se paye, sache-le, je me fous que les rats je commande. Je suis en indé, j'suis musicasse, pas de ce que les majors commandent. Allez, suis-nous commande, c'est la classique ouais, frolo. On représente le petit peuple, les malassis ou les prolos. Je sais que je vais pas toucher le gros lot, à part si je parle de vicra des braco. De toute façon, si c'était le cas, j'irai pas dire que je bicrave de la coke. Ce système marche à l'envers, y'a de quoi perdre. La boule, la planète crève la dalle et les industriels jettent de la poule. Non, je viens pas faire le marboule, marque de voir mes rats de pire en paix. Pour l'avenir, je crains le pire, j'espère pouvoir partir en paix. Je sais que ça vous casse les couilles, tous ces discours moralistes, peut-être un peu timbrés. Mais j'ai le sentiment que les moralistes, peu importe d'où tu viens, on vit la même, non. Si tu peux quitter la rue, fuis-la maintenant. Ouais, on sort des saumons, alors on pleura des vies. Mais ne crois pas que la mort oubliera des vies dehors depuis le berceau. Les frères sautent, c'est pour mes rats des villes. Même si on crève la dalle, on sait que personne fournira des vivres. On sort des saumons, alors on pleura des vies. Mais crois pas que la mort oubliera des vies dehors depuis le berceau. Les frères sautent, c'est pour mes rats des villes. Même si on crève la dalle, on sait que personne fournira des vivres. Personne, c'est un classique enfoiré. Pandershit musique.